Chaque heure le même combat et les projets qui tombent à l'eau. J'ai traversé des épreuves bien avant d'être un ado. Doucement au fond je me crève dans les dérives d'un bedeau. Avoir son coin de paradis à défaut d'être amoureux. Sans autre besoin de savoir si demain il y aura de la beuh. J'avais une main avant mais elle m'a lâché dans un feu. J'étais si bien avant mais je ne peux plus croiser ses yeux. Je voulais juste son bonheur mais j'ai foiré ma vocation. Je pensais que ça durait des heures et sans date de péremption. J'ai cru que je pourrais écouter mon cœur en toute saison. Mais il faut bien l'admettre, le cœur n'a pas toujours raison. Je voudrais pouvoir me remettre de toutes mes émotions. J'ai l'impression que rien ne peut permettre ma guérison. Je suis dans une prison que j'ai construite par illusion. Avec un bout de crayon, je remets en piste ma destruction. J'ai perdu l'amour au bout du jour, une virée sans étoile. L'amour a mis les voiles, je la revois à chaque jour comme si elle était le fond d'une toile. Qu'on ne peut pas décrocher parce que ça me ferait trop mal. Est-ce qu'on a le choix? Je ne sais pas, mais moi j'y crois. On était là l'un pour l'autre, l'avenir était nôtre. Pourtant l'amour a pris la porte et plus rien ne me le rapporte. Je voulais seulement toucher le ciel dans les lueurs d'une lune de miel. L'amour c'est beau et ça peut te donner des ailes. Mais arrive un moment, il faut savoir voler sans ailes. Surtout quand la femme de ta vie a envie de se faire la belle. Tu pensais contrôler l'amour mais en fait il est rebelle. Son parfum te hante quand tu es seul dans tes draps. Sa voix chante dans ta tête quand tu n'es plus dans ses bras. Elle qui se pensait grande et que tu as consolé tout bas. Tu la sens encore brûlante là tout au fond de toi. Bien incapable de reconnaître toutes mes erreurs. Je sais que je ne suis pas parfait, personne ne l'est d'ailleurs. J'ai des défauts, je le sais, je l'avoue, je n'ai pas peur. Avec de simples mots, je réussis même à vous toucher le cœur. On voudrait monter plus haut sans jamais se casser la gueule. Mais si l'amour te tourne dos, il faut apprendre à voler seul. Alors on te fait planer à coups de stick super grande feuille. Et puis on se fait à l'idée que l'amour, il faut en faire le deuil. J'ai perdu l'amour au bout du jour, une virée sans étoile. L'amour a mis les voiles, je la revois chaque jour comme si elle était le fond d'une toile. Qu'on ne peut pas décrocher parce que ça me ferait trop mal. Est-ce qu'on a le choix? Je ne sais pas, mais moi j'y crois. On était là l'un pour l'autre, l'avenir était nôtre. Pourtant l'amour a pris la porte et plus rien ne me le rapporte. Je voulais seulement toucher le ciel dans les lueurs d'une lune de miel. Et puis je me surprends à me souvenir de ton sourire, des projets dont on rêvait juste avant de s'endormir. Les promesses qu'on se faisait, je pensais pas que c'était pour rire. Moi j'étais sincère quand je disais que c'était à en mourir. Je voulais qu'on soit à deux pour voir nos enfants grandir. Je voulais qu'on soit bien mieux que tous ces gens en train de souffrir. Mais tu m'as laissé un vide et personne ne prend ta place. C'est toujours toi que je sers quand je me regarde dans une glace. Je me perds dans mes pensées quand c'est pas dans mon passé. T'étais l'avenir dont je rêvais, j'avais plus à me tracasser. Tous ces mots pour nous unir et toi t'es venu tout casser. T'es devenu un sale sourire que j'ai du mal à effacer. Une cicatrice de plus qui mettra du temps à partir. T'es parti pour un connard qui se fout même de ton sourire. T'as loupé le coche mais je ne te souhaite pas le pire. C'est ce que tu m'as fait dès que je t'ai vu partir. J'ai perdu l'amour au bout du jour, une virée sans étoile. L'amour a mis les voiles, je la revois chaque jour comme si elle était le fond d'une toile. Qu'on ne peut pas décrocher parce que ça me ferait trop mal. Est-ce qu'on a le choix? Je ne sais pas, mais moi j'y crois. On était là l'un pour l'autre, l'avenir était nôtre. Pourtant l'amour a pris la porte et plus rien ne me le rapporte. Je voulais seulement toucher le ciel dans les lueurs d'une lune de miel.